d'un air triste. Le cœur sur le corail, la mer glisse. Il faut que tu t'en ailles. Tu persistes, accroché au corail. Close your eyes and goodbye.